encore bugué, putain, l'écran est tout gelé. Putain, j'ai perdu plein de fichiers, va encore falloir formater. Fou, alors le mode sans échec. Putain, Bill Gates, quel con ce mec. J'aurais dû m'acheter un Mac, hein, parce que Windows, c'est de l'arnaque. Windows, c'est vraiment une arnaque. J'aurais peut-être dû m'acheter un Mac. A rencontré un problème et doit fermer. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément encouru. Ouais, génial. Si vous étiez en train d'effectuer un travail en cours, les informations sur lesquelles vous travaillez peuvent avoir été perdues. Ah ben génial, merci, hein, super. Windows, c'est une calamité. Il y a des problèmes de compatibilité.